Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit tout de suite avec Histoire vivante. Jean Leclerc vous propose en nouvelle diffusion Histoire vivante. Finalement, ça servait à quoi d'avoir les libertés? C'est juste pour avoir plus de saucissons? Batka, le petit père. C'est comme cela que les Biélorusses surnomment Alexandre Loukachenko. Pour eux, des notions comme la liberté ou les droits de l'homme ne veulent rien dire. Ce qui leur importe, c'est l'ordre, le contrôle. Cette semaine, la Biélorussie. C'est vrai, c'est merveilleux, on dirait la Suisse. Théâtre et dépendance. Le Biélorussin, du point de vue de Moscou, est un paysan. Un pouvoir indéboulonnable. Élu président, il a fait adopter par référendum une nouvelle constitution, histoire de prolonger son mandat et d'élargir ses pouvoirs. Des milliers de personnes ont dénoncé ce dimanche la taxe dite sur les parasites. Toute la fin du 19e siècle a été terriblement violente sur ce territoire. Dans chaque commissariat, il y a un bourreau, un sadique local qui traite violemment les gens qu'on arrête. Comme on dit souvent ici, j'aimerais vivre dans la Biélorussie qu'il montre à la télé et pas dans celle du monde réel. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Yulia Choukane, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. J'enseigne donc au département d'études slaves et j'enseigne un certain nombre de matières en histoire et en sciences sociales aussi, en lien avec l'ex-URSS. Je fais souvent la comparaison entre trois États, la Biélorussie, que je connais bien, l'Ukraine, que je connais également de par mes recherches, et la Russie. Et j'ai vu écrit sociologie politique. Comment ça se travaille, ça, la sociologie politique? Ça se travaille par le contact avec des acteurs, les entretiens, mais aussi je fais beaucoup d'observations participantes quand je m'intéresse à un phénomène. Donc j'essaie de bien m'intégrer au groupe, par exemple, sur lequel je travaille, de faire des choses, donc m'intéresser à la pratique, beaucoup plus qu'au discours des acteurs, qui peuvent être souvent en décalage, effectivement, avec les pratiques. Et donc c'est ça qui m'intéresse dans les différents phénomènes que j'étudie, à la fois des phénomènes beaucoup plus politiques, le travail des élus, par exemple, un travail que j'ai mené en Ukraine, ou en Biélorussie, les politiques publiques, notamment les politiques de distribution de ressources, donc de revenus par le haut réalisés par le régime d'Alexandre Loukachenko en Biélorussie, et la manière dont c'est reçu par les gens, ces politiques publiques, et de quelle manière ça suscite de l'adhésion à un régime qui est souvent présenté, et qui l'est d'ailleurs, comme un régime dur, un régime répressif. Peut-il y avoir, par moment, vous concernant, une forme de découragement? Parce que vous nous indiquez là que il y a toujours une différence entre le discours et la pratique, évidemment pas seulement dans le domaine du politique, pratiqué précisément par le politique, mais qui plus est, cru par la ou les populations. D'une certaine manière, comme si, quels que soient les efforts que vous meniez dans votre propre branche, Yulia Choukane, à savoir décoder et apprendre à décoder la sociologie politique, on en revient toujours au même, l'humain croit ce qu'il croit et l'autre charge de communiquer d'une certaine manière un certain nombre de messages sans pour autant que les paroles soient suivies des faits. Non, je ne suis jamais découragée parce que de toute façon la parole, quand on recueille la parole des acteurs et notamment des acteurs professionnels comme les hommes et les femmes politiques, bien sûr il faut savoir la situer cette parole, comprendre dans quel contexte elle est prononcée, à qui elle s'adresse. Mais cette parole-là, même s'il y a toutes ses limites à prendre en compte, bien sûr, elle est représentatrice d'un certain nombre de choses, des idéaux, de l'image que l'élu peut se faire, de son action et de son lien avec les populations. Donc je pense que de toute façon, la parole et le discours sont importants, mais à manier avec précaution, bien évidemment, tout en se demandant pourquoi, à ce moment-là, la personne tient ce discours. Et qu'ensuite, la pratique, effectivement, elle permet de compléter ce tableau qui reste très inachevé, finalement, quand il est brossé uniquement, quand il est saisi uniquement à travers le discours. Ce qui n'est pas d'ailleurs seulement valable dans le domaine de la politique. Non, pas du tout, bien sûr. Il s'agit bien évidemment aussi des citoyens ordinaires, des personnes ordinaires sur lesquelles je travaille et auxquelles je m'intéresse également. Donc il s'agit à la fois de discuter, mais aussi de voir les gens faire les choses. Yulia Choukane, aidez-nous un petit peu géographiquement, si vous devez nous montrer le pays sur la carte. Votre index va où, dans quelle direction, grosso modo? La Biélorussie, donc mon index va nécessairement à l'est par rapport à la Suisse, et donc bien évidemment beaucoup plus à l'est de la Pologne, puisque la Pologne et la Biélorussie ont une frontière commune, c'est la frontière occidentale pour la Biélorussie et la frontière orientale de la Pologne. Au nord, il y a deux États baltes, donc avec la Pologne, on est toujours, et les États baltes, on est toujours dans le cadre de l'Union européenne, donc avec la Lituanie, et un bout de frontière aussi avec la Lettonie. Et ensuite, il faut aller beaucoup plus à l'est encore, puisque la frontière orientale de la Biélorussie touche la Russie, c'est une frontière commune, donc entre la Biélorussie et la Russie. Et au sud, nous avons l'Ukraine. Pas d'accès à la mer, donc? Non, la Biélorussie n'a pas d'accès à la mer. Et d'ailleurs, tout ce qui est flux commerciaux, notamment maritimes, elle a besoin de contact avec les pays baltes, puisque beaucoup de marchandises arrivent dans les ports lituaniens ou lettons pour ensuite être acheminées jusqu'à la Biélorussie. Lila Chukan, les événements de 1991 qui permettent à la Biélorussie de redevenir indépendante ne marquent pas, tout au moins pour le moment en tout cas, une distance, une émancipation réelle et franche et très marquée vis-à-vis du grand frère, vis-à-vis de la Russie. Les choses vont aller en évolution, mais restons peut-être dans un premier temps sur ces premières années, en quelque sorte, où le président, on va dire, de l'époque, et qui est toujours président de la Biélorussie, marque son territoire. Est-ce qu'en quelques mots, on pourrait esquisser son portrait à ce bonhomme? Bien sûr, donc Alexandre Loukachenko est arrivé au pouvoir, il a été élu à la présidence du pays en 1994, mais auparavant il était député élu à Kor à l'époque soviétique en 1990, donc un an avant l'indépendance de la Biélorussie et l'effondrement de l'Union soviétique, député assez peu connu, qui cherchait sa voie, il appartenait à la majorité communiste au Parlement de l'époque, il a essayé de se rapprocher des milieux nationalistes mais s'en est éloigné assez rapidement. Et surtout, il s'est fait connaître en 93 au moment où il a été élu président d'une commission parlementaire de lutte contre la corruption. Et c'est ça qui l'a propulsé sur le devant de la scène, puisqu'il avait dénoncé. Voilà, il avait dénoncé les mensales, effectivement, des élites. Et c'est ça qui a joué certainement en sa faveur en 94, puisqu'à l'époque, la configuration électorale était la suivante. Il y avait Monsieur le Propre, effectivement. Et de l'autre côté, il y avait un représentant de l'ancienne nomenclatura, l'ancienne élite économique soviétique, donc qui était totalement déconsidéré et qui a perdu l'élection au profit de Loukachenko. Et par la suite, Monsieur Loukachenko a tout fait, a mis en œuvre un certain nombre de politiques qui permettent ces réélections jusqu'à l'infini. Mais doit-on le considérer comme un pur produit du système politique soviétique au sens de l'apparatchik absolu qui grimpe progressivement les étages de la pyramide? Pas tout à fait, parce qu'il était chef de Sovkhoz, donc d'une ferme d'État à l'époque. Il a une formation d'historien, il a commencé comme enseignant d'histoire et ensuite, puisqu'il habitait en zone rurale, donc progressivement il a eu ce poste de direction, un poste assez administratif effectivement, et de gestion administrative et économique lorsqu'il était directeur du Sovkhoz. Et ensuite effectivement en 90, donc à la faveur d'un certain nombre de changements en URSS, il parvient à se faire élire au Parlement et c'est comme ça qu'il arrive ensuite au sommet du pouvoir. Donc c'est pas une trajectoire classique pour la fin de l'URSS, mais dans le même temps, oui, une trajectoire qui est liée à la lutte anticorruption, et donc c'est ça qui le rapproche à beaucoup d'autres personnalités finalement, qui, par cette voie-là, de la lutte anticorruption, parviennent à s'imposer sur une scène nationale. Lila Chukan, on va ouvrir une double décennie, celle des 20 années, j'allais dire, d'idylle nuptiale entre la Biélorussie et la Russie. Il faut dire que les choses vont relativement bien. Donnez peut-être quelques indications sur l'intérêt des uns et des autres. On peut très bien mesurer effectivement l'intérêt de la Biélorussie de pouvoir s'adosser sur la puissance russe. À l'inverse, pourquoi la Russie a-t-elle besoin de la Biélorussie? Est-ce simplement une manière d'affirmer du précaré? Je pense qu'il y a plusieurs éléments, effectivement. Et il y a d'abord un élément très personnel. Les chefs de l'État de l'époque, donc on a déjà parlé de Loukachenko, à l'époque en Russie, c'est Boris Yeltsin qui dirige donc cet État dans les années 90. Si du côté de Loukachenko, il y a cette perception très soviétique de la Biélorussie arrimée à la Russie, et certainement le président, il est influencé par la représentation des interdépendances. D'ailleurs, réel aussi, il faut l'admettre aussi, entre les républiques soviétiques, interdépendance économique. Et donc c'est ça qui pousse certainement Loukachenko à emprunter cette voie de rapprochement consécutif avec la Russie, puisqu'il y a un certain nombre d'intérêts économiques. Donc en raison de ces interdépendances économiques, la Biélorussie est plutôt le pays de transformation des matières premières qui sont extraites en Russie. Par exemple, la pétrochimie, donc les industries pétrochimiques construites à l'époque soviétique, travaillent à partir du pétrole russe. Donc ça, c'est un des exemples de ces interdépendances. Ensuite, les interdépendances commerciales aussi. La Russie a été, et l'est toujours, le premier partenaire commercial de la Biélorussie. Donc il y a un intérêt, effectivement, de rester ensemble. Il y a des intérêts, certainement aussi, du côté russe. Premier intérêt, c'est la vision que Boris Yeltsin, mais même on peut parler aujourd'hui du président Poutine aussi, a de l'espace post-soviétique, qui est considéré comme une zone d'influence de la Russie. Et donc, la Russie est prête, pour ces raisons sécuritaires, surtout aujourd'hui dans le contexte de tension avec l'OTAN, d'investir beaucoup dans ces territoires post-soviétiques afin de les garder sous son contrôle. Et donc, en échange, s'est créé entre la Biélorussie, qui demandait un certain nombre de soutiens économiques notamment, et la Russie qui était prête à l'époque de Eltsine, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui aussi à les deux présidences et ensuite la troisième de Vladimir Poutine, la Russie est prête à effectivement soutenir économiquement la Biélorussie par un certain nombre de tarifs préférentiels ou encore des crédits accordés, mais en échange elle demande effectivement une loyauté, un soutien de la Russie dans cette confrontation en cours aujourd'hui avec, on va dire globalement, avec l'Occident. Les bruits de bottes se font plus pressants d'heure en heure en Crimée. Entre Kiev et Moscou, l'armée ukrainienne est en état d'alerte. Selon l'ambassadeur ukrainien à l'ONU, il y aurait 15 000 soldats russes sur place, ainsi que des blindés, des avions et même deux vaisseaux en mer. Le chef de la diplomatie ukrainienne a demandé la protection des États-Unis, de l'Union européenne et de l'OTAN. Les autorités russes ne donnent aucun chiffre sur leur présence en Crimée. Dans le même temps, les pro-russes en Crimée resserrent leur emprise, ainsi que dans l'est du pays. Des irruptions d'hommes armés ont eu lieu dans plusieurs sites stratégiques. Yulia Shukan, vous nous avez parlé d'un couple qui fonctionnait assez bien, mais voilà, 2014, légère perturbation de la météo radieuse jusque-là des relations avec Moscou, et je cite vos lignes. Au printemps 2014, l'annexion de la Crimée par la Russie et son ingérence militaire dans l'Est ukrainien ont jeté un froid sur les étroites relations bilatérales que la Biélorussie entretient avec son voisin russe. J'ouvre des guillemets. En démontrant la capacité de Moscou à s'imposer par la force, les événements ukrainiens ont fait voler en éclats le mythe soviétique des peuples frères russes, ukrainiens et biélorusses. C'est ce qu'analyse Alexandre Alézine, journaliste spécialiste des questions de défense. Depuis, le président biélorusse, dont nous avons déjà parlé, Alexandre Loukachenko, cherche à prendre ses distances vis-à-vis du Kremlin sans pour autant lui donner l'impression de remettre en question ses intérêts. Là s'ouvre une partie formidablement intéressante pour la chercheuse en sociologie politique que vous êtes, qui s'intéresse à bien distinguer la partie théorique de la dimension pratique. On peut dire que Alexandre Loukachenko a dû découvrir en lui des capacités d'invention diplomatique, de nouveaux savoir-faire, sa stature qui était jusque-là, pour le dire assez directement, celle d'un dictateur plus ou moins droit dans ses bottes, là, il a appris la nuance et l'art de la navigation. Alors racontez-nous un peu tout ça. Je pense qu'il avait déjà un certain nombre de dispositions et était plus ou moins prêt à ce jeu-là de neutralité, enfin en tout cas de produire une impression de neutralité et d'égale distance par rapport à l'Union européenne et par rapport à la Russie, puisque toute la politique de Loukachenko, la politique extérieure des années 2000, était basée effectivement sur cette volonté, cette quête de neutralité, sauf qu'il était rendu très difficile par le régime autoritaire qu'il avait mis en place, et donc par un certain nombre de politiques répressives, ce qui fait que la Biélorussie était ostracisée en Union européenne, il y avait des sanctions imposées, divers types de sanctions, et donc du coup ça l'a conduit à se replier sur la Russie et les partenariats avec la Russie. À cet égard, 2014, effectivement, c'était une occasion inespérée, mais aussi une urgence. Il fallait agir dans ce contexte critique, donc la crise ukrainienne, l'annexion de la Crimée, pour essayer de trouver le bon positionnement. Et c'est ce que la Biélorussie a très bien fait, finalement, puisque elle a réussi à donner les gages aux uns et aux autres. La Biélorussie n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée, par exemple. Loukachenko se réfère toujours au droit international et affirme qu'il y a eu violation du droit international vis-à-vis de la Crimée. Mais dans le même temps, il ne l'a jamais condamné non plus, dans des termes express. Donc, ce qui fait que l'art de l'équilibre. L'art de l'équilibre, il le maîtrise et il le pratique depuis longtemps. Et ça a permis aussi cette position finalement assez pragmatique de la Biélorussie. Ça a permis d'améliorer les relations avec l'Union européenne. Un certain nombre de concessions avaient été faites en politique intérieure, des mesures de liberté, des espaces, nouveaux espaces de liberté qui étaient accordés à l'opposition. Et ça a permis un rapprochement de la Biélorussie avec l'Union européenne et finalement la levée de sanctions en février 2016. Yulia Shukan, dans cette reconfiguration des relations, on voit bien qu'il y a du côté biélorusse la volonté de rester où elle est. Évidemment, géographiquement, ça, pour un pays, c'est toujours un peu compliqué, mais en même temps, d'essayer de marquer son territoire sans pour autant offenser. Cela dit, il y a parfois certaines susceptibilités à l'est, du côté russe. Comment ça se passe? Et qu'est-ce que la Russie accepte? Jusqu'où l'autre peut-il aller? C'était l'objectif d'une étude que j'avais réalisée sur commande pour un des centres de recherche pour l'IRSEM, effectivement d'identifier ces lignes rouges, jusqu'où Loukachenko peut aller dans la remise en cause des relations avec la Russie. Et en fait, ces lignes rouges sont très clairement dessinées par les partenariats existants. D'abord, les partenariats militaires. La Russie et la Biélorussie exploitent deux infrastructures encore soviétiques militaires qui sont situées sur le territoire de la Biélorussie, donc elle ne peut pas remettre en cause le bail de location, par exemple, de ces infrastructures. La Russie et la Biélorussie ont un espace de défense aérienne commun. Il est hors de question pour la Biélorussie de s'en retirer. On l'a vu dans l'actualité en septembre, fin septembre 2017, il y a eu des exercices militaires communs. Ouest 2017, organisé conjointement par les deux pays, et bien sûr la Biélorussie, même s'il y a eu des réticences quant à l'accueil de ces exercices sur le sol biélorusse, elle était incapable de les exprimer haut et fort pour qu'ils n'aient pas lieu. Voilà, ces questions stratégiques sont très importantes. Il y a aussi un certain nombre de coopérations économiques. Il faut que les intérêts économiques russes soient sécurisés. Et donc, il y a beaucoup de banques, plusieurs banques russes qui travaillent en Biélorussie. Donc, Loukachenko, pour lui-même, a une très bonne représentation de ces lignes rouges à ne pas franchir. Et d'ailleurs, il n'a pas envie de les franchir, puisque la Biélorussie est extrêmement dépendante de la Russie. La Russie pratique des tarifs préférentiels sur le gaz et le pétrole dont la Biélorussie a besoin. La Russie accorde des crédits aussi, notamment la construction d'une centrale nucléaire à la frontière avec la Lituanie a été entièrement financée par la Russie. Donc il y a des interdépendances qu'il n'a pas intérêt à remettre en cause. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas prendre de la distance et avoir un peu plus d'autonomie. Et surtout, il veut être traité d'égal à égal. Ce qui peut offrir certaines scènes qui, dans un autre terrain, seraient sans doute un peu comiques, on va presque dire de marchandage, sur la question des hydrocarbures. J'ai cru voir que la Russie demandait un certain tarif, la Biélorussie a bien entendu le tarif, mais a payé ce qu'elle a considéré être valable. Oui, tout à fait. Et ces marchandages sont réguliers, puisque si on regarde toute la décennie 2000, il y a eu plusieurs crises dans les relations commerciales pourtant sur les hydrocarbures, où les deux partenaires ne sont pas d'accord sur le prix des livraisons du gaz pour la Russie ou sur les prix du transit du gaz russe par le territoire de la Biélorussie. Et à chaque fois, même si la Biélorussie est obligée, en fin de compte, en tant que partenaire minoritaire, elle est obligée de céder, mais dans le même temps, elle obtient aussi quelques contreparties. Donc de ces guerres commerciales, c'est le terme qu'on emploie, mais ces guerres commerciales s'expliquent par... C'est plutôt des conflits larvés qui explosent à un moment, effectivement, qui prennent une forme un peu plus explicite, des tensions plus explicites, mais dans le même temps, ça ne remet pas en cause le partenariat plus général et donc d'autres coopérations entre la Russie et la Biélorussie. Il s'appelle Droujba, c'est-à-dire amitié en russe. Mais depuis ce matin, cet oléoduc porte bien mal son nom. Sur fond de conflits larvés entre la Russie et le Bélarus, par où il passe, il ne livre plus de pétrole ni à l'Allemagne ni à la Pologne, ses principaux clients. Les grands froids ne sont pas encore là. La capitale, Minsk, ne souffre pas vraiment de l'hiver. Seulement dans 4 jours, le quotidien des Biélorusses pourrait bien être différent. Le fournisseur russe Gazprom menace de couper l'approvisionnement en gaz pour tout le pays dès le 1er janvier prochain. Gazprom n'aura aucune raison à partir du 1er janvier de fournir du gaz à la Biélorussie si un contrat n'est pas signé. Si les Biélorusses traînent des pieds pour signer, c'est que les nouvelles conditions proposées par Gazprom sont intransigeantes. De 46 dollars les 1000 mètres cubes de gaz, les tarifs montent à 200. Une exigence qui, pour le moment, laisse dans l'impasse toutes les tentatives de négociation. Nous sommes interdépendants. S'il n'y a pas de contrat pour les livraisons de gaz vers la Biélorussie, Gazprom n'aura pas de contrat pour utiliser nos pipelines vers l'Europe. Yulia Chukanvou, qui est spécialiste à la fois sur ces trois territoires que sont la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, dans quelle mesure la Biélorussie pourrait-elle avoir à un moment à craindre des événements tels qu'ils se sont déroulés en Ukraine? C'est la question que les spécialistes de la Biélorussie, et notamment un certain nombre de mes collègues politistes biélorusses, ils se la posent régulièrement. Et je pense que tant que ces lignes rouges ne sont pas franchies, les lignes rouges qu'on nous avons déjà identifiées au plan sécuritaire ou encore au plan économique, la Russie n'a aucun intérêt à procéder de façon forte, à brusquer la Biélorussie, d'autant plus que même ce président, que peut-être la Russie n'apprécie pas tellement Loukachenko. Il semblerait que les relations ne sont pas toujours très cordiales entre Poutine et Loukachenko. Mais Loukachenko permet à la Russie de secourir ses intérêts, notamment dans cette confrontation avec l'Occident à travers ses coopérations stratégiques. Et donc la Russie n'a aucun intérêt pour le moment à déstabiliser la Biélorussie comme elle l'avait fait en Ukraine. Et surtout que pour la Biélorussie, la question d'intégration à l'Union européenne, celle qui s'est posée à l'Ukraine, enfin pas directement l'intégration mais signature d'un accord d'association, donc le choix stratégique entre la Russie et l'Union européenne ne se pose pas pour la Biélorussie. La Biélorussie ne remet absolument pas en cause ses coopérations avec la Russie. Alexandre Grigorievitch Loukachenko veille à l'avenir radieux de son peuple. Il s'affiche à tous les défilés militaires avec son fils Kolia, qui depuis ses 7 ans le suit dans tous ses déplacements. À l'étranger, chez les pays frères, et même à l'Assemblée générale de l'ONU, où Kolia prend la place d'un ministre dans la délégation officielle. En allant voter il y a quelques semaines, accompagné de son fils Nikolai, qu'il a d'ores et déjà désigné comme son successeur, le maître contestable mais indéboulonnable du Bélarus n'imagine pas céder le pouvoir. Le président est-il en train de préparer son fiston ? J'ai cru lire dans vos lignes que le fiston en question opérait sur des questions militaires. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations là-dessus, Yulia? Alexandre Loukachenko a 3 fils. Effectivement, son fils aîné est en charge des différents services de sécurité. Donc, qui sont services dont les effectifs sont assez nombreux en Biélorussie, puisque Loukachenko, depuis longtemps, cherche à les renforcer et à bien les équiper. Son deuxième fils, il est plutôt dans les affaires. Et son troisième fils est encore mineur. Il doit avoir entre 13 ou 14 ans. Et toute la Biélorussie a suivi pendant très longtemps les histoires de ce fils, puisque Loukachenko se montre tout seul avec lui. Donc, il y a beaucoup d'histoires sur la mère, l'absence de la mère et le lien entre le père et le fils. Mais en tout cas, je ne dirais pas qu'il prépare sa succession. Je pense qu'il pense encore pouvoir gouverner. Tout est mis en œuvre, effectivement, pour assurer la sécurité du régime. Mais la question de la transition se posera, puisque Loukachenko, et c'est une bonne question, je ne saurais pas calculer son âge exact, mais il a un peu plus de 60 ans, peut-être 65. Il est arrivé au pouvoir à l'âge de 35, en 94. Donc, il faut faire le calcul. Donc, il pense encore gouverner. Mais la question se posera un jour ou l'autre. Pour le moment, il n'y a pas d'indication vers lequel des 3 fils, ou est-ce que c'est une solution de ce type-là qui va être privilégiée ou quelque chose d'autre. Sur le plan militaire, je lisais dans vos lignes, Yulia Chokan, qu'il y a de la préparation, il y a du service spécial, il y a du nombre et du savoir-faire. Je pense que ce savoir-faire, si on le compare avec le savoir-faire russe, n'est pas équivalent, bien évidemment. Les sommes investies ne sont pas équivalentes, mais la crise ukrainienne a suscité, a provoqué en tout cas cette méfiance vis-à-vis de la Russie, une volonté aussi d'investir et d'entraîner un certain nombre d'unités spéciales, les entraîner en cas de ce qu'on appelle un conflit asymétrique. C'est cette idée qu'un conflit n'a pas forcément une forme armée, que ce n'est pas forcément les deux armées qui s'engagent, mais ça peut être des groupes armés qui agissent sur un territoire ennemi et qui cherchent à provoquer, à déstabiliser la situation, comme on en a vu des groupes de ce type-là en Ukraine. Et donc la Biélorussie, effectivement, s'est engagée dans une sorte de préparation en cas de conflit asymétrique. Mais il ne faut pas oublier que pour le président biélorusse, ce conflit asymétrique est le craint de la part de la Russie, mais aussi pendant de longues années, il le craignait, mais sous une autre forme, de la part de l'Occident aussi, sous forme de révolution de couleur. Il dénonçait régulièrement l'ingérence américaine ou encore européenne dans les affaires intérieures, donc dans un certain nombre d'États post-soviétiques, sous forme de mobilisation protestataire, donc ce qu'on connaît comme révolution de couleur. Donc je pense que ces préparatifs peuvent être interprétés de deux manières et s'adressent aux deux côtés en fait. Mais s'agit-il du pouvoir biélorusse d'une paranoïa parfaitement maintenue par la Russie ? Entretenue en quelque sorte ? C'est une question intéressante, parce que je pense que la Russie n'a pas besoin d'entretenir cette sorte de paranoïa en Biélorussie. Pas d'effort à faire. Pas d'effort à faire, je pense. Si on regarde par exemple la population biélorusse et les sondages d'opinion, la Russie est de loin considéré comme le meilleur partenaire stratégique par les Biélorusses. Donc il n'y a pas beaucoup d'opinions pro-occidentales, pro-Union européenne, pro-OTAN en Biélorussie. Donc je pense que le terrain est extrêmement favorable et il n'y a pas besoin de travailler plus, de faire des choses pour garder la Biélorussie sous contrôle de cette emprise de la Russie. La Biélorussie fait encore fonctionner la peine de mort au-delà de ce point-là qui est une divergence profonde avec la communauté européenne. Sur quel autre point la Biélorussie devrait-elle, je vais évidemment mettre des guillemets, s'améliorer pour voir les relations avec l'Europe, si toutefois c'est l'intérêt, et on a deviné que plutôt oui, au travers de vos mots, Yulia Chokan, pour aller plus loin dans la relation avec Bruxelles. Il y a effectivement cette question de peine de mort. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, les relations ne vont pas plus loin, et notamment la Biélorussie demande la signature d'un accord de coopération, un accord de partenariat avec l'Union européenne, des accords que l'Union européenne a avec d'autres États post-soviétiques, mais qu'elle n'a pas avec la Biélorussie, notamment à cause de cette question de la peine de mort, mais au-delà de la question des droits de l'homme et du respect des droits de l'homme, c'est celle qui coince, qui pose problème, et donc, ça, bien évidemment, ça touche au régime politique et à la nature du régime politique, un régime autoritaire répressif, mais qui a connu une certaine libéralisation, c'est un terme indigène, au sens où on a accordé effectivement, à la suite du réchauffement des relations avec l'Union européenne, des espaces de liberté à l'opposition, qui peut organiser des manifestations en plein centre-ville et exprimer son mécontentement, même s'il trouve peu de soutien auprès de la population. Une chaîne de télévision indépendante a été la cible d'un raid de la police au Bélarus. Une perquisition a eu lieu ce vendredi dans les locaux de Belsat à Minsk et du matériel informatique saisi. On voit que l'attaque contre la presse continue. On pensait que ça allait s'arrêter après le 25 mars, on pensait que la répression allait se calmer. Mais comme on le voit, les autorités continuent leur offensive sur la presse. Tous les journalistes arrêtés, les 25 et 26, n'ont pas encore été libérés de prison. La semaine dernière, en effet, plusieurs manifestations anti-gouvernementales ont eu lieu au Bélarus. Une centaine de personnes ont été arrêtées et le rassemblement de Minsk a été couvert par la chaîne Belsat. Intolérable pour Alexandre Loukachenko qui ne tolère quasiment aucune dissidence. Yulia Tchoukane, j'ai une télécommande dans les mains. J'appuie sur le bouton, un, deux ou trois, que sais-je, et j'ai l'impression que le robinet d'images, de commentaires que je vais avoir sous les yeux et dans les oreilles, a plutôt tendance à être franchement d'un côté plutôt que de l'autre. Vous nous dessinez un petit peu le paysage audiovisuel biélorusse. À quoi ressemble-t-il entre les chaînes nationales, les chaînes privées ? Il n'y a pratiquement pas de chaînes privées, puisque les chaînes sont nationales. L'État garde le contrôle sur les médias, qui est un moyen effectivement de communication extrêmement important. Et surtout, il y a un déséquilibre en Biélorussie au profit des chaînes russes. Chaînes privées ou chaînes d'État, qui sont retransmises directement par la télé d'État officielle biélorusse, donc en Biélorussie, et qui sont beaucoup plus regardées par les Biélorusses que les chaînes biélorusses elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que ces chaînes russes, beaucoup plus d'argent investi, beaucoup plus d'émissions de divertissement. Il y a peut-être aussi, chez certaines catégories de la population un peu plus âgée, cette habitude de regarder ce qui vient de Moscou et donc les chaînes russes également. Il y a donc un énorme déséquilibre au profit des chaînes russes. Et d'ailleurs, c'est un objet de préoccupation également du pouvoir qui cherche quand même à rééquilibrer un tout petit peu, effectivement, ces contenus médiatiques diffusés à l'attention de la population. Mais pour se faire une idée, on a affaire à, d'un côté, des chaînes extrêmement provinciales, oui, vieillottes, décors remplis, oui, de poussière, et puis l'autre côté, un, oui, clinquant berlusconien. Ou un peu, tout à fait, on, ouais, doit être dans cette image-là, oui. Et la radio ? Il y a quelques chaînes de radio qui ont une audience auprès de segments assez limités quand même aussi de la population, mais sont des chaînes de radio qui ont été ou qui le sont encore financées par un certain nombre d'États de l'Union européenne, notamment la Pologne, qui accueille des chaînes de radio indépendantes, qui n'ont pas d'espace, qui ne peuvent pas exister en Biélorussie à cause d'un système strict d'enregistrement ou de possibilité pour l'État de fermer ces chaînes de radio, d'ailleurs la même chose pour la télévision, et qui existent donc principalement en Pologne, et qui mettent donc en direction de la Biélorussie. Et elles offrent un contenu beaucoup plus intéressant, bien évidemment, un contenu plus critique, puisque sinon le contenu des chaînes nationales, voilà, on a aussi des chaînes de radio provinciales, avec un discours plutôt élogieux envers le pouvoir et l'action du pouvoir. Yulia Tchoukane, il y a toujours de la place pour faire un petit peu de promotion. Vous êtes auteure d'un ouvrage dont vous allez à la fois mentionner le titre, et puis surtout l'éditeur. Alors, quel est-il ? Il s'agit donc de l'ouvrage paru en 2016 aux éditions de l'Aube, Génération Maïdan. C'est un ouvrage qui ne porte pas sur la Biélorussie, mais qui porte sur l'Ukraine, un autre pays d'intérêt pour mes recherches, et qui est une collection d'histoires de personnes ordinaires engagées dans cette mobilisation, et la manière dont leur quotidien a été rompu par d'abord donc cet événement marquant, cette mobilisation contre la corruption et pour le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne, et ensuite comment ce quotidien est rompu par le conflit armé, avec le basculement donc des événements à partir de l'été 2014 dans un conflit armé. Merci d'être venu au micro d'Histoire vivante. Merci. Thank you.